café en main, l'écran se remplit de ma malin. T'as cliqué, t'as pas prévenu, mais je sens déjà que t'es dans le coup. On se marre, on fait, on relance, même quand le serveur part en vacances. Je vois ton blaze et je souris direct. T'es là pour le feu, pas pour le parfait. On tue, on build, on vit le jeu, mais surtout on le fait à deux. Let's go, ton énergie c'est mon cadeau. Même si j'ai pas dormi de la nuit, ton pseudo me redonne la vie. Tu spammes des cœurs, tu balances du son. T'es pas qu'un view et t'es ma raison. On fait du bruit, on fait du lien, et ça c'est bien plus que rien. Pour que la fête ne cesse grandir. Skill aussi.